7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Voilà, bon dia à la planète et bonjour la famille. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne soirée hier, hein, que tout s'est bien passé devant la télé, peut-être au boulot, encore qui rentre comme Seb ce soir, là, enfin ce matin plutôt, qui rentre du boulot, infirmier de nuit. Salut Francky. Eh ben, je voulais t'envoyer ce petit message pour te faire un petit coucou ce matin. Heureux de te revoir à la radio. Bah ouais, je suis là tous les matins normalement. Normalement, mais là je suis bien là. Heureux d'être là. Coucou à Stéphane aussi qui est connecté du côté d'internet. Merci à Blois. On nous écoute aussi à Orléans, à Tours. Eh ben, ça fait plaisir. On est aujourd'hui le 4 février. Eh ouais, et puis c'est le départ pour les JO de Pékin. Ça y est, à 13h, heure française, sur toutes les télés françaises. Les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin avec cette neige artificielle là-haut. Qui fait un peu polémique en ce moment, mais bon, on en parlera tout à l'heure en direct avec Stéphanie, peut-être. Et 88 athlètes français qui participent au JO de Pékin. Belle journée, bon petit-déj sous le soleil de la radio, avec un son que j'adore. We are the world, Tahiti for Harmony. Voici le son pour vous réveiller tranquillement, tout en douceur. 7h01. We are the world for Tahiti. J'adore. Hein, ouais. Quel souvenir en 2010, hein, ils avaient fait ce titre, hein, pour Tahiti, justement, qui était envahi par les eaux, Haïti. Heureux d'être là. Non, le numéro n'a pas changé. J'ai juste fait une erreur sur Facebook. Ouais, je me suis oublié le numéro de téléphone. 02-38-43-48-00. C'est le numéro du standard, si vous voulez me joindre. 02-38-43-48-00. Belle journée et bon réveil sous le soleil de la radio avec Tony Carrera, que vous adorez. Et en direct ce matin, 7h05. Belle journée. Espetáculo de Tony Carrera, inicialmente previsto a 21 de janeiro, foi adiado para 6 de fevereiro, às 16 horas. Le concert de Tony Carrera, initialement prévu le 21 janvier, est reporté au 6 février, à 16h. Les billets achetés restent valables. Les billets comprados ficam válidos para a nova data. Billets disponibles dans les points de vente habituels, Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc et sur le site diam.eu. Tiene par de amistades, pero no quiere relación. ¿Dónde va? que se olvide que esta es su canción. Remix. Baila, baila, baila. Ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes que se acabe. Baila, baila, baila. Ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Baila, baila. Tengo que besarte antes que se acabe. Mami, llega el código con el perreo sólido. Esta te la dedico pa' que se te le estrés. Acércate al perímetro y rompe los termómetros. Si tú abres la vía, te voy a pegar el tren. Me gusta cómo lo hace. Cuando te atreves, tenía escondida esa actitud. Hey. Tu piquete me gusta, le das como es. Con la chispa, jala y de bote, y el moe. Grábate un video y que lo vea tu ex y que fue. Sube. Tu piquete me gusta, le das como es. Con la chispa, jala y de bote, y el moe. Grábate. Y que lo vi a tu ex y que fue. Me gusta como baila porque quiero olvidar. Ponle reggaetón pa' que la vea sudar. Sexy, sube su videito a IG. Entra al top, no le hace falta el ID. Ya no deja que la hieran. Se va a buscar de sus amigas que la noche es pasajera. Pa' bailar usa ropa ligera. La atención llama y eso que ni se esmera. Su flow es natural. Le gusta inventar. Más conmigo que soy su preferido. Y ella la mía no la voy a cambiar. Su flow es natural. Le gusta inventar. Más conmigo que soy su preferido. Y ella la mía no la voy a cambiar. Baila, baila, baila. Ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes que se acabe. Baila, baila, baila. Ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes que se acabe. Cuando pusieron su canción se grabó pa' Insta. Bailando y cantando son en la pista. Y anda sola, suelta y soltera. Taguea a sus amigas pa' romper la carretera. Estamos el día y bien de fecha. Y dice que hoy se va a emborrachar. Y desde que se dejó la tipa no pare janguear. Ya no quiere nada serio, lo que quiere es vacilar. Y el porre yo tomo bachata. Como sea, bebé, tú me matas. Sin censura, tu cuerpo cura. Perreando es una locura. Baila, ça fait du bien de danser un peu de soleil ce matin parce que le soleil ne sera pas au rendez-vous malheureusement. La météo qui arrive, belle journée, 96.2 FM en direct ce matin. La météo. La météo pour aujourd'hui, le ciel est menaçant, ouais, ouais, pluvieux, ça caille un petit peu ce matin. Et c'est très très humide, moins 1 degré, on ne dépassera pas quand même les 9 à 10 degrés. Et au Portugal, il fait 12, 13 degrés, ça c'est la bonne nouvelle, on irait bien faire un petit tour du côté du Portugal. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio avec du son qui arrive, le meilleur. Ah, le meilleur pour moi. Quelle voix, monsieur Barry White, avec du son caliente. My first, my last, my everything, Barry White sur Radio Conciel. Très bon petit déj à vous. Bonjour à monsieur Faria, qui est là. Bandi à la planète, 7h14 en direct. I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping in more and more ways. That super world of my own. Nobody but you. And me. We got it together, baby. You're my sun, my moon, my 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Amigo, viens couper, décaler. Les gens sont en train de couper, décaler là-bas. Oh, la prudence, ça aussi, ça inquiète les gens. Couper, couper. Ils sont en train de gâter nos coins là-bas. Couper, décaler. Il faut travailler. C'était bon à l'époque, hein, dans les années 2000, avec Amio, African Connection. Qu'est-ce qu'on a dansé là-dessus? On a fait la fête. Et puis, on va se dire, il faut dire une chose, c'est entraînant quand même. Salut la famille, merci d'être là. 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard. Si vous voulez m'appeler, bah, n'hésitez pas. 02 38 43 48 00. Ça y est, c'est officiel, hein, le 16 février. Les discothèques en France vont pouvoir réouvrir. Vous allez pouvoir faire la fête, vous, peut-être, de côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray, Pithiviers. Avec le son disco, le créateur en France de la disco music, voici Sharon avec Super Major. Belle journée et bon petit déj. Just down below. matin. Hein. Ah ouais, à l'époque disco, je vous voyais dans la voiture en train de danser. José qui est là, Monsieur Faria qui est là, il y a Stéphane qui est là aussi. Aujourd'hui c'est les JO de Pékin à 13h. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas? Eh bien allez-y, aimez pas, appelez-moi 0238 43 48 00. Les Français vont représenter bien sûr la France, là où 88 athlètes seront là dans les starting blocks. Stéphanie qui va arriver dans les studios, on va parler plein de choses ce matin. Et c'est la journée mondiale du cancer aujourd'hui, ouais, une chose sérieuse. Hein. Eh ouais, et pour en parler, on va en parler avec Stéphanie. Tiens, on va la prendre tout de suite. Enfin, dans les micros, hein, bien sûr. Salut Steph. Ça va? Oui, ça va, j'avais pas mis le son. Donc, ah, excuse-moi. Non, j'avais pas mis le son, donc ça me faisait bizarre. Excusez-moi, voilà. Excuse-moi Stéphanie. Comment elle va? Bah écoute, ça va, j'ai retrouvé ma voix. Ouais, presque. T'as une belle voix, ouais. C'est cool. Ouais, t'as une belle voix. La voix Rocky un peu. Ouais, mais ça va, déjà il y a du son, parce que la semaine dernière il y avait plus d'image, plus de son. Ah merde, dans la merde alors. Dans ça la arrive, ça arrive. Arrêtez des gros mots. Bah justement, on parle de l'œil du tigre, tout à l'heure on va en parler, mais... Tout à l'heure, oui, ouais. Voilà, pour parler un petit peu du nouvel an lunaire, qu'on appelle aussi le nouvel an chinois. Madame allez. Soleil, elle est là ce matin, et puis on vous le dit aussi, c'est la journée mondiale... De lutte contre le cancer, cette maladie qui malheureusement fait des dégâts, et beaucoup de dégâts. Bah hein. Plus que le Covid en tout cas. C'est clair, et on a toujours pas de solution. Hein. Et non. Ah là là, c'est... Franchement, ça. Il y a des évolutions quand même. Mais... Ouais, il y a des évolutions, mais voilà, toujours des petits soucis encore malheureusement. Sinon, on peut aussi parler quoi des JO. Les JO, alors, pas de neige. Pas de neige. Si, c'est que de la neige artificielle. Que de la fausse neige, c'est marrant. Tout en neige artificielle, les jeux d'hiver, formidable. Pas beaucoup de public surtout. Ouais. Avec le Covid, peut-être. Ah bah oui, parce que là, c'est strict, hein, apparemment. Et puis, il y a aussi les Américains qui boudent la cérémonie, parce que tu sais que le président Jinping. Comment il t'emmène? Il reçoit. Il est très copain avec Poutine. Ah ouais, alors, donc du coup, les Ricains, bah, ils ont pas trop envie d'y aller. Là. Bon, si vous voulez manger des sushis ce matin, je sais pas si c'est là, c'est pas les sushis là ou si à Pékin. Les Pékin, il y a quoi à manger là en Pékin? Il y a des nems, des sushis. Peut-être du riz cantonais. Bon, le riz cantonais ce matin, alors. Bonne émission. Ouais, c'est de l'humour, hein. Prenez ça au premier degré, hein. Non, non, mais d'ailleurs, on va parler un petit peu du nouvel an chinois et tout ça, donc ça va être sympa. Je vais vous passer un Bruce Lee après. En fond d'écran. En fond d'écran. Je vais te mettre un truc de karaté là. Je suis en train d'atterrir. T'as le bonjour de ton père. Il est passé me voir hier encore. Il m'a dit passe le bonjour à ma fille. Bon bah moi je passe le message. Ok, ça roule. Bah c'est bien, c'est qu'il va mieux parce qu'il était malade encore. Toi je voulais l'appeler. Ça a l'air d'aller mieux en tous les cas. Bon bah s'il a fait son tour hier sûrement. Voilà, c'est que ça va mieux papa. En tout cas on lui souhaite un petit coucou ce matin parce qu'il va à l'hôpital, il m'a dit aujourd'hui. Donc on lui fait un petit coucou à papa. Il va peut-être nous entendre alors. Ah salut papa. Papa, pas le mien mais ton papa toi. Salut papa. Allez, 7h31, le petit café avec Stéphanie Biet. Puis vous, si vous êtes dans les parages, bah, venez nous voir, pourquoi pas, ça serait bien un petit café. Je suis pas au café, moi. Bah tu vas arriver là, t'as pris quoi toi ce matin? Moi je suis au gingembre citron. Tu te la gaules ça? Non, non par contre ça défend, ça aide le système immunitaire, le gingembre. Ouais. Et ça met la patate bien plus que la café. C'est quoi, c'est chaud, c'est froid? Là c'est froid, mais on peut le faire chaud. Tu peux goûter un petit peu? Tu peux goûter? Volontiers. Allez, dans un verre. Je vais vous dire après si j'ai la gaule ou pas. Je pense bon, pas. Bon réveil, belle journée. Sinon, je revends la recette directement et je me fais des tonnes de thunes avec. Donne avoir, et nous, on va au café au gingembre de citron. j'ai bu ça cul sec, moi. Le gingembre citron. T'as pris le temps de le déguster quand même, t'as vu comme c'est bon. C'est bon, il y a un petit, on dirait qu'il y a du poivre dedans, non? C'est le gingembre qui est épicé. Ah, c'est épicé, voilà. Ça pique, le gingembre. Mais là, je peux pas manger épicé en même temps, par contre. Ça, je pourrais pas. Oh, la blague. Ça doit être faisable. Eh, les blagues de 84. Ça doit être faisable. C'est le matin, soir. C'est tes blagues, je m'habitue, je suis habitué, c'est bon. Hein, je suis allé. Manger épicé en même temps, c'est pas facile de l'autre côté de la radio. Vous aussi, vous savez pas le faire. Oh. Ça va, la Steph? Bah, écoute, ça va. Bon. Je ferais bien un petit, comme on a dit bonjour à mon père, j'aimerais qu'on souhaite une bonne fête à ma mère. C'est vrai? Oui. C'est quoi le... Eh ben, c'est la Saint-Véronique aujourd'hui. Oh! Et ah, Véronique. Coup, non, tu fais pas une blague de pourri, sinon je vais Tu l'as connu en plus. Donc voilà, et bah du coup j'ai calé, je t'ai demandé de me caler un petit Véronique Sanson pour rendre hommage aux Véroniques. Et puis c'est la chanson sur ma drôle de vie, parce que je la trouve sympa. Elle est gaie le matin, Dès le matin, toutes les Véroniques. Elle est légère et on souhaite du coup une bonne fête aux Véroniques et surtout un gros bisou à ma maman. Voilà, salut maman Véronique de, voilà, Véronique. On écoute Véronique Sanson. Belle journée. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Ouais, bah, c'est pour... Katia qui me fait rire. Elle nous fait rire, qu'est-ce qu'elle a le matin? Bah, Katia, elle me dit qu'elle va me commander une palette de gingembre. Ah, une palette! Bah voilà, déjà, toi, tu gagnes des commandes. Donc, ça me fait rire. Moi aussi, ça me fait rigoler le matin, à la radio. On est heureux de vous retrouver. C'était Véronique Sanson. Véronique Sanson, voilà. Toutes les Véroniques, on leur souhaite une bonne fête ce matin. Véronique. Non, ça va, stop, c'est bon. Elles ont compris, je pense, là. Ouais, c'est bon, ouais, faut penser un peu aux. Ouais, non, mais elles sont à jour. Des inconnus. Oui, non, mais aussi, oui, c'est vrai. Ouais. Oh, on est avec vous aujourd'hui, il caille un petit peu ce matin, moins 1, et on va dépasser les 10 degrés. Il fait pas moins 1, moi j'avais 7. Bah écoute, je viens de lire sur Météo France, il y a des endroits où il fait moins 1. Ouais, mais pas ici. Hein. Non, pas ici. Mais non, moins 1, c'est à Clermont-Ferrand. Ah ouais, d'accord. Ouais, ici. C'est quoi la météo? Bah non, pourtant c'est bien Orléans que j'ai là. Ouais, bah, Orléans. Écoute, c'est bizarre. C'est bizarre cette affaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on verra pas trop le soleil aujourd'hui, mais par contre demain un petit peu, je pense, un tout petit peu demain. Demain, ouais. Ouais, il y aura des éclaircies. Ah, enfin du soleil, ouais. Rayos del sol. Après dimanche, ouais, c'est pas terrible, un peu de pluie, des nuages. Et la semaine prochaine, on va démarrer avec un peu de beau temps. Et puis ça va se corser. Ça va se corser en fin de semaine, voilà. Cette saison. C'est la bonne nouvelle. C'est dommage qu'il n'y ait pas de neige. C'est comme à Pékin, c'est pas grave. À Pékin, bah ouais, aujourd'hui c'est les Jeux d'hiver. Les Jeux d'hiver sans neige à Pékin. C'est non, ça ils qui est, en ont plein. C'est ça qui est drôle, ouais, le neige artificielle. C'est ça. C'est ça qui est dommage. Mais bon, après, c'est surtout pas très écologique. Mais... Ah oui, j'attendais ce mot-là. Ah, ouais, ça faisait longtemps. Hein. Ah, oui. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu le mot écolo. Bon, comment elle va ce matin? Bah écoute, ça va avec. Des belles choses pour nous? Bah des belles choses, je sais pas, de l'actualité. En tout cas, on peut parler du nouvel an lunaire qui est le même que le nouvel an chinois. Voilà. Donc j'attendais ça. Il a démarré le 1er février le nouvel an lunaire et nous sommes rentrés dans l'année du tigre d'eau. Ah, c'est-à-dire? Eh bien, c'est le tigre d'eau. Alors toi par exemple, tu es de quelle année? 70. Et 70, eh bien tu es de l'année du chien et tu es le chien de métal. Ouais. Tu pouf en 70 par exemple. Voilà. Et donc ben voilà, c'est une année où il se passe des choses. Normalement, c'est une année qui bouge, c'est une année de mouvement et de changement. Ah, pour moi le chien? Non, pour le tigre en général, pour tout le monde. L'année du tigre d'eau, d'un point de vue comment universel, on va dire, voilà, ça risque de bouger pas mal. C'est une année où il y a beaucoup de changements quelques bouleversements. D'accord, donc l'année du changement, quoi. Ouais, c'est bien. Donc peut-être il y en a qui ça va rendre service, d'autres un peu moins. Temps, ouais. On verra. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, des personnes surtout. Hein. Mais il y a toujours, excusez-moi, je bouge un peu. Non, tu peux, tu es comme chez toi. J'ai pas le siège de d'habitude. T'as pris quel fauteuil là? J'ai pris une chaise toute pour avant en fait. Non. Pardon. Ouais, mais ici tu changes dans les studios. C'est les chaises musicales, ça tourne en fait. Et puis, donc voilà, c'était juste pour dire que ça a démarré le 1er donc, février. L'année lunaire, eh bien, elle intervient en général toujours entre le 26 février, le 26 janvier et le 19 février. Ouais. Chaque année, parce que ça démarre toujours avec la nouvelle lune. Et donc là, on a démarré avec la nouvelle lune qui, d'un point de vue astrologique pur et dur, commence en Verseau. Ah, d'accord. Voilà. Ah ben, j'en apprends des choses ce matin, le nouvel an chinois. Donc voilà, des petits points de vue du matin. Des petits points de vue comme et ça. Et du coup, peut-être on peut se mettre un petit The Eyes of the Tiger. Eh ben ouais, mademoiselle, il n'y a pas de problème. Pour l'année du tigre. L'année du tigre, justement, Eyes of the Tiger, l'œil du tigre. C'était ça, c'était dans Rocky, ça, je crois, ouais, si je me souviens bien. Rocky. L'œil du tigre, mec, vous l'avez tous vu, Rocky. Écoutez l'intro, avec Survivor. Eyes of the Tiger. Vas-y, Rocky. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre, ouais. Ouais, Adrien. T'as vu quand il gagne et quand il gueule, Adrien. Ah oui, la gueule en sang et tout, le mec il cherche Adrien partout. J'étais pas super client. Ah, c'est Gilbert Montagné à la fin, il vaut pas rien le mec. Hein. Eyes of the Tiger, c'est Survivor. Rising up back on the street. avec Lady Tig, Adrienne. Oh, j'adore. Le petit nom de cette chanson, en vérité, c'est ouais. The Eyes of the Woo. Ah ouais, d'accord. Que, en fait, c'est le Woo, le chien. Ouais, Woo, le chien. Parce que mon chien, en fait, que je n'ai plus, mais que j'ai gardé 16 ans, il s'appelait Tiger. Et franchement, c'était leur. Bah, on lui passe un petit coucou à Woo, alors. Et donc voilà, c'était un petit clin d'œil à, voilà, Eyes of the Woo. Ouais. Salut, mon petit Woo. Et moi, ça me rappelle quand j'étais jeune, 82, là, Rocky, j'adorais. Et je m'en souviens, j'avais été voir ce film. Et ensuite, avec moi, un pote à moi, on avait dans le grenier monté, tu sais, un sac de boxe. Ouais. Un sac de frappe. Et on tapait. Bon, ça dure une semaine, hein. Après, on s'est pris pour Rocky, hein. Bon, après, on a arrêté. Hein. Normal. Mais bon, ça, heureusement, vous n'avez pas fait le même truc avec Terminator, sinon. Donc, Astoud, on est avec Steph au téléphone normalement. Stéphane, bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphane. Oh, tu veux la pécho, toi? Je pêche rien du tout, moi. Non, pas toi, lui. Ah bon? Tu veux pécho? Bonjour, moi. Bah, on se dit bonjour déjà, on est poli. Ouais. Non, mais dès le matin. Non, mais le gingembre, je t'en donnerai plus, c'est terminé. Parce que ça t'énerve trop. Ah, par contre, c'est pas mal, hein. C'est un petit goût amer, un peu derrière, un peu. C'est pas amer, ouais. C'est piquant. Ouais, on dirait du poivre, un peu derrière. Mais ça va. C'est épicé, c'est par contre, pas c'est amer. Pas mal, hein. Ouais, je vais en acheter de faire du gingembre. Ça, j'ai tout fait, ça. Non, c'est moi qui le fais. Ah, bravo. C'est une potion de Stéphanie, sorcière. Tu connaissais le gingembre citron? Non. Eh ben, ça y est, quand tu rentres chez toi tout à l'heure, là, ou t'es chez toi, là? Bah ouais, je suis chez moi. Bon, du gingembre, je sais pas si t'as dans le frigo, mais enfin, je sais pas si ça se met dans le frigo. Faut l'acheter bio. Déjà. Voilà. Parce que sinon, okay. Ça concentre beaucoup les pesticides. C'est comme le céleri, ça fait partie des aliments qu'il vaut mieux acheter en bio. Bon, là, bon, ok. Bon, bah, t'achètes du gingembre, hein, tu vas à Intermarché, là. Tu m'achètes du gingembre. Il faut que je dise Carrefour, Leclerc aussi. Faut l'éplucher, ça s'épluche très facilement avec une petite cuillère, on le râpe, et on presse un citron, et on met un litre et demi d'eau, et voilà. Alors, on met 4-5 cm de racines de gingembre. T'es compliqué? Elle est trop compliqué, hein. Je crois que je vais aller bouffer une pizza, ça sera plus simple. Non, après, avec ce produit. Les effets sont pas les mêmes. Après, avec ce produit, t'as un truc miracle qui se produit, normalement. Bah, déjà, moi, il y a la table de mixage de la radio, elle est en train de se lever, là. Ça booste, le système immunitaire, et puis, ça met un coup de feu. Non, j'aime bien, ça me dynamise un peu, là. Ah oui, bah, je confirme que ça t'a bien énervé. Ouais, je suis un peu énervé, là. Comme quoi, ça speed plus qu'un café. Ah ouais, j'ai envie de péter un écran de télé, là, ici. N'importe quoi. Comment il va, le Steph? Bah, tranquille. RTT ce matin, il est déjà levé, le mec. RTT, il est déjà levé. Bah, c'est un rythme, ça. Eh oui, c'est un rythme, c'est ça. Non, mais c'est bien, faut se lever. Comme on dit, la vie appartient à ceux qui se lèvent de très bonne heure, normalement. Normalement, oui. La vie appartient à ceux qui sont heureux de se lever et de vivre. Et la vie ne m'apprend rien. Qui c'est qui chantait ça? Balawan. Voilà, bien joué. T'auras un collier arc-en-ciel. Ben, je suis un bâton, moi, en blind test. Hein. Ah ouais, bah tiens, on va faire un blind test un matin, Steph. Là. Tiens, la semaine prochaine. Ouais, volontiers. Et on va vous préparer un blind test. On va voir qui c'est les champions du monde là, avec un spécial musique portugaise. Voilà, je vais être nul. Hein. Voilà, sans moi. Ah bah quoi, il y aura beaucoup d'amis portugais qui nous écoutent, donc peut-être qu'ils vont la réponse, hein, à ces questions. Bon, c'est quoi le programme de la journée, Stéphane, pour toi aujourd'hui? Rien. Ah bah quel beau programme, quelle motivation quand même. Hein, c'est pas mal, ça, rien. Il en faut, hein. Ah ouais, il en faut. Bon, bah, bonne journée à toi, alors, mon ami. Merci à vous aussi. Bonne journée. T'es au café, là, non? T'es quoi? Non, là, je vais pas tarder. Peut-être aller boire un petit café et prendre quelques petits gratte-gratte. Eh ben, si t'es pas loin, viens nous voir la radio. Ils vont pas le café avec le masque, hein, bien sûr, hein. Y a pas de problème. Ah, tu mets un masque anti-feu, là, antigénique, là, je sais plus quoi. Et puis nous, on paye le café le matin. C'est test qui est antigénique. Ah oui, bon, c'est tout. Ça serait un jour où je serai en vacances, j'aurai plus de temps. Quand tu veux, tu viens. En tout cas, le code est ouvert en bas. Je te donne le code, c'est 413-52R. Non, mais en plus, je vois à peu près où c'est. Donc. Ah bon, bah ça va. C'est un château fort, non? Il y a des agents en bas et tout, une sécurité. Non, ouais, c'est juste en face de l'entrée des Blossières, normalement. Voilà, c'est ça. Voilà, tu tapes trois fois comme ça. Et je t'ouvre. Ok, ça marche. C'est le code pour rentrer à la radio. Salut, okay. Steph. Salut, bonne journée. Salut. Merci de même. Ah, il est sympa le petit Steph le matin. Hein, bah oui, il aime bien nous appeler. Stéphanie, on te retrouve juste derrière. Écoute, ça te rappelle double jeu. Bee Gees. Tu te rappelles William? Non, il est pas sur l'écran, tu vas pas le voir. Non, c'était pas les Bee Gees, je cherchais les Bee Gees. Non, mais j'écouterai les Bee Gees, il disait dans le titre, c'est pour ça. Oui. Double jeu, Christophe William, tu te rappelles de ça? Oui, j'aime bien. J'aime bien ça, moi. Moi aussi, j'aime bien. On te retrouve juste derrière avec quoi? Des choses? Bah, ouais, on va voir. Ouais. Et puis l'horoscope qui arrive aussi. Ah, hein, bah, volontiers. Ah ouais, l'horoscope chinois, tiens, on va le faire en chinois. On va le faire en chinois, on va essayer. Ah, ok. Christophe William, double jeu. Crystal, comme on l'appelle, la tortue. Ouais. Hein? Willem, Christophe Willem. Alors moi je l'ai fait en interview il y a presque 10 ans, parce que ça date ce titre il y a 10 ans, hein, plus de 10 ans. Hein. Je l'ai fait un super mec, un super sympa, par contre un agent un gros connard. Ah non mais je le dis, oh là là. Souvent c'est comme ça, les artistes sont super sympas hein, et les agents ils se la pètent un peu. Hein. Ils sont pas tous sympas. Mais par contre lui une crème, hein, je l'avais fait dans les backstage et tout à l'époque quand il venait de sortir ce titre. Et puis c'est vraiment un super mec, Christophe Willem à la radio avec Stéphanie Bié ce matin, tous les vendredis, bien sûr, avec toi. Ouais, presque tous les vendredis. Ouais, quand on est là. Non, mais c'est pas ça qu'on fait du business derrière, on peut pas être partout. Hein. Je peux pas faire les gros fast et puis être là. N'importe hein. quoi. Ah ouais, on raconte des conneries le matin. Hein. Non, elle voulait pas les flics tout de suite. Je continue, j'ai une blague ouais. de la part de Katia et qui me dit que je devrais te proposer un jus de pruneau plutôt. Ah, j'ai le pruneau d'agen. Ah, j'en ai pris. Alors là, putain, c'est un truc de fou ça. C'est toi qui as fait le test. Ah, j'en ai pris, je sais plus. Là, tu savais semaine. Pas. Ah, bah je savais pas trop, mais est-ce que j'ai vu ça dans un supermarché. Et tu savais pas que c'était laxatif. C'est sympa. J'aimais bien le goût du pruneau en fait ouais. à la base. Mais après là, le dédouanage, ça devait être un peu compliqué. Oh, par contre, c'est du lourd ça. Je veux dire, ouais. moi j'en ai bu. Et puis je suis honnête, hein, j'en ai bu. Je te mens pas. Moi là, comme j'adorais ça. J'avais bu deux droits verts. À la vache. Après, je suis passé une demi-heure là-haut. tac, dans les toilettes. Donc je confirme, le jus de gingembre, ça sera meilleur pour ta santé. C'est pas mal. Hein. En tout cas, là, ça me donne un peu la steak là, ton truc là. Hein. Je vais me faire ça à la baraque. Hein. Gingembre, je vais en acheter. On va en acheter, on va faire avec du citron. J'ai dit Katia m'a commandé une palette, donc. On va faire des litres de gingembre avec du citron. Merci d'être là ce matin. 7h55, l'horoscope qui arrive dans quelques minutes juste avant. T'as des petites choses avant l'horoscope ou on envoie l'horoscope tout de suite? Non, on peut se faire l'horoscope. Tu l'as sous les yeux, bien sûr. Ouais. Bah, dès que je retrouve les jingles, parce que tout a bougé dans cette radio, hein. Je m'absente un petit peu et ça y est, tous les jingles ont bougé. C'est ça que j'adore le matin à la radio. Bah, l'horoscope, il est là, voilà. L'horoscope, c'est maintenant. Eh ouais, l'horoscope avec Pascal qui m'a appelé. Pascal, tu sais qui fait les jingles. Sympa. Il m'a appelé lundi. Ouais, il va bien. Il était content de m'avoir au téléphone. Ça fait 2-3 ans que je l'avais pas eu, je crois. Ouais, carrément. Ouais, sympa. L'horoscope Stéphanie Bié ce matin et on démarre avec les Béliers, si tu veux bien. Alors, les Béliers, vous devrez rompre avec certaines habitudes qui ne correspondent plus à vos exigences actuelles. Cela se fera sans douleur ni regret. Vous avez déjà passé le cap intérieur. En revanche, il ne sera pas forcément simple de l'expliquer à vos proches ou à votre partenaire. Eh ouais, les taureaux. Ce n'est pas le bon moment pour vous aventurer sur des terrains inconnus. Ne changez pas vos habitudes, même si votre routine actuelle commence à vous lasser. Mieux vaut patienter un peu et attendre une période plus favorable pour prendre des initiatives. Que vous soyez célibataire ou pas, la prudence est de mise, amis taureaux. Eh ouais, les gémeaux. Célibataire, vous ne serez pas d'humeur à rire et à vous détendre. La solitude vous pèsera et vous vous empêtrerez dans ce malaise. Empêtrerez. C'est pas facile à dire. Le verbe empêtrer. Vous vous empêtrerez donc dans ce malaise. En couple, il faudra faire la part des choses. Bon courage, amis gémeaux. Voilà. Et les cancers, bon, fais gaffe. Hein. Célibataire, vous avez un charme certain et vous n'en faites pas usage. Mmh. C'est dommage. Vous rendre compte que vous êtes tout à fait capable de séduire vous redonnerait une certaine assurance. En couple, votre manque de confiance en vous pourrait vous jouer des tours. Votre partenaire vous tend des perches que vous ne saisissez pas car l'assurance vous fait défaut. Oh là là, bon, faut que je remaîtrise tout ça alors. Bon. Moi, je pense que ça va, toi. Moi, ça va. Les lions! Rugir de plaisir. Vous trouverez en votre partenaire un confident qui saura vous écouter sans vous juger. C'est peut-être le moment d'avouer certains secrets ou certains doutes concernant votre couple. Dis donc, c'est un peu tendu, hein. On le sent bien le tigre. C'est le tigre de. Le tigre d'eau, là, je crois qu'il. Ouais, il fout la merde. Il y a des changements. Les vierges, tu peux pas faire en chinois pour moi, non? Je sais pas. Moi, je vais en faire un, je vais faire les balances en chinois, moi. Après, vas-y, fais les vierges, moi, je ferai les balances. Tu vois. Vous avez choisi de vivre votre passion à l'abri des regards indiscrets, au moins dans un premier temps. Vous devrez l'expliquer calmement à votre moitié pour éviter les malentendus. Ok, l'horoscope pour les balances. Alors, en version, parce que comme c'est l'horoscope des. C'est l'année. Ouais, mais à ce moment-là, faut faire un horoscope avec les. Tu vois, les chiens. On en fera tout à l'heure. En couple, malgré un attachement certain à votre partenaire, l'amour passera vraisemblablement en se complant. La solitude vous pèsera ce matin. Vous ne manquerez pourtant pas de charme et de personnes qui gravitent habituellement autour de vous le savent. Mais le coup de foudre n'est pas d'actualité ce matin. Donc, attention, les balances, hein, voilà. T'as bouché tes oreilles? Non, je suis consterné, mais c'est pas grave. Non, mais voilà, c'était pour faire l'hommage en, aujourd'hui. Hein. D'accord. À tout on monde. Continue en version, Scorpion. Normal. Normal. Normal, ok, d'accord. Alors, les scorpions. N'oubliez pas que la tendresse est importante au sein d'un couple. Votre partenaire risque de se sentir un peu délaissé si vous continuez à vous montrer si froid à son égard. Vous n'êtes peut-être pas d'humeur romantique en ce moment, mais cela ne doit pas vous empêcher de tenir compte des attentes de votre conjoint. Ouais. Ça parle beaucoup de couple hein, ce matin. Hein. Ouais. En même temps, on fait un peu les amours, non? C'est ça, les amours pour les sagittaires. Grâce à des influx dynamisants, vous n'aurez sans doute pas d'efforts particuliers à déployer pour séduire. En couple, vous aurez besoin de sortir de la routine, d'élargir votre cercle de relations. Célibataire, vous ressentirez le besoin de partager jour après jour vos joies et vos peines. Ouais. Les joies, les peines, ça c'est la vie, c'est la vie, c'est comme ça, hein. C'est ça. Les Capricornes. Tenez compte des conseils de votre partenaire, ami Capricorne. Ils seront judicieux et vous feront progresser. Avec vos amis, vous risquez de rencontrer des désaccords sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Ne vous énervez pas, ami Capricorne. Keep cool. Keep cool ce matin, la cool douce avec les vers. Je vais faire un remix, verso. Non mais ça va, c'est le gingembre. Hey, t'arrêtes de me filer des trucs comme ça, toi. Moi ça prouve que c'est efficace. Une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps vous fera le plaisir d'une réapparition pour le moins inattendue. Toutefois, le climat sentimental de la journée n'augure rien de très agréable côté couple. Aujourd'hui, la vie à deux vous apportera plus de contrariété que de plaisir. Célibataire, votre vie amoureuse devient prioritaire. L'heure sera à la passion et aux déclarations enflammées. Oh là là, c'est beau. Hey. Sauvez-moi. Rappelle-le ça. Tu t'appelles Nathalie avec des yeux bridés et ta face de citron. Tu crois et tout. C'est charmitant, mais ça s'appelle Nathalie, bien. C'est pour l'exportation en France. Ah, d'accord, alors que se passe-t-il? Je m'appelle Nathalie. Je suis une c'est bon, ça. Et je suis poursuivie par un méchant. Et là un méchant. Et voilà, c'est pour tous nos amis qui les écoutent ce matin. Et on finit par les poissons aujourd'hui. Vous vous sentirez heureux de retrouver de bonnes relations avec votre entourage et votre joie de vivre sera très communicative. De beaux moments en perspective donc pour les petits poissons. Voilà, les poiscailles, vous nagez dans le bonheur ce matin. Ils sont pas nombreux, hein. C'est un peu le bordel partout quand même. C'est vrai, c'est un peu la zone ce matin. Il est un peu bof, hein, ce horoscope. Ouais, je pense que je l'ai pécho celui-là. C'est le même que d'habitude. Voilà, c'est le même, mais bon, je l'ai payé moins cher ce matin. Il était en promo, donc j'ai acheté moins cher. Voilà. Du son à l'ancienne qui arrive avec Charade. Un son à l'ancienne qui me ferait plaisir d'entendre. Ouais, c'est quoi? Gap. Ah ouais, oups, c'est pas ouais, l'oups. Ah ouais. Bah on va le trouver sur internet normalement. Ouais. Je vais chercher dans la bibliothèque de la radio. T'as vu la bibliothèque qu'on a à côté? Ouais. Avec tout, 3-4 000 CD là-dedans. On va trouver ça. Mais même des vinyles. Je vais pécho la clé et on va aller voir dans la bibliothèque. Oups, l'oups, oups, hop, side, hell, c'est oops, hop, side, hell. Ouais, ça serait c'est cool. Oops, il y a longtemps hop, que j'ai pas side, entendu hell. Ça. Allez, à l'ancienne, ce matin, vous allez au boulot, il est 8h. mieux. Ah, c'est bon ça. Là, là, c'est le tempo qui arrive. Et là, le DJ est mixé, normalement. Là, il enchaîne. Normalement. Quoi, là c'était ça à l'époque, hein. C'était bon, hein. Bah ouais, mais là, ça me rappelle trop des trucs. J'ai 16 ans. Ouais, t'es à Casdal. Non, pas 16 ans. À 16 ans, j'étais plutôt déjà Rino, Georges V. Ah ouais, quand même, ouais, déjà. Hein. Rive gauche, ouais, mais j'avais l'air d'avoir 20 ans, ça facilitait les déplacements. C'est vrai, c'était lourd à l'époque, hein, quand même. On pouvait bien s'amuser sur les week-ends, ouais, c'est clair. On était redette avec vous, il est 8h04, si vous allez au boulot ce matin. On vous a préparé des petits sons à l'ancienne, comme ça, pour vous rappeler des bons moments. Ah, pour les anciens, les nouveaux, bon. Ils découvriront, ils se feront une culture musicale intéressante. Là, on a les Gap Band qui arrivent avec le Oops Upside Your Head. Là, ça va vous rappeler pour pareil, ceux qui sortaient en boîte. Là, c'est Casdal. Moi, je me souviens, on ramait là-dessus, hein, en boîte à l'époque ou dans les soirées. On ramait. C'était un peu genre, on ramait, on se mettait par terre et on lançait les bras. D'avant en arrière, en bougeant les épaules. Ah ouais, voilà. Il y avait un meneur qui était debout en face. C'était le meneur. Qui mettait le tempo. Qui donnait le tempo. Ce matin. C'était cool. On va s'en rappeler juste derrière, avec les Gap Band qui arrivent, Stéphanie. Ouais. Et juste avant, des petites choses avec toi. Mais je cherche un horoscope chinois à vous faire. Dès que t'en as, tu me le dis, hein, parce que nous, on est prêts. Moi, je suis prêt dans les certains blocs. Je suis en train de chercher tout ça. Sinon, je sais pas. On a les inconnus, hein, sinon, pour toi, si tu veux. Moi, j'ai toujours le truc des inconnus là. Bah, tu sais, avec la petite fille qui dit. Mais c'est force rouge, force verte. Ouais. Ça, c'était rigolo, ça quand même. Je m'appelle Nathalie. Je suis une gentille et je suis poursuivie par un méchant. Eh, c'était bon. Eh, franchement, les blagues à l'époque, ça nous a marré, hein. Oui. C'est plus trop les blagues de maintenant, hein. Ben, il y en a plus trop des blagues en même temps. Mais celle-là, c'était plutôt rigolo. Allez. Tu nous mets quoi? Eh ben, le oups. Eh ben, allez. Tu voulais pas le oups? Si, le oups. Voilà. On continue dans la même tranche d'âge. Ouais, ça, c'est les années fin 70, début 80. Ce groupe qui cartonne, hein, sur la planète disco funk. Les anciens, vous allez le reconnaître. Et les plus jeunes, bah, non, pas du tout. Vous allez le découvrir. Vous allez le découvrir, voilà. Et là, soit vous dira à papa de le passer en boucle dans le salon, j'en suis sûr. Gap Band, le oups, upside head. Ce qui était drôle, c'est que c'était vraiment, du coup, ça se dansait, on était tous ensemble, et ça, c'était cool, quoi. C'était une bande, quoi. Voilà, c'était rigolo, parce que c'était un mouvement, groupir là, c'était très drôle. C'était groupir. C'était ça. Yeah. Oups, là je vous vois danser dans la bagnole. Enfin peut-être pas parce que par terre c'est compliqué. Hein. Bah oui, mais d'avant en arrière ça peut fonctionner. Mais c'était ça, hein, les bras en l'air, en avant en arrière, faites gaffe quand même sur la tange. Hein. C'était trois frères hein, qui ont été créés ce groupe en 70-80. Et en fait le nom du groupe fait référence à trois rues de quartier afro-américaine qui est le Greenwood, voilà, pour l'histoire. Trois frangins, voilà. Intéressant. Intéressant. Et puis, on découvre des trucs même 50 ans après, ouais, trop balèze. Justement, leur ville natale s'est arrêtée en 2010. Hein, voilà. Les bons souvenirs quand même, hein. Ouais. Pour moi, c'était sympa, j'avais envie, je me disais, tiens, et comme ben, des fois, tu me demandes. Des choses comme ça, tu me demandes, hein, moi. J'ai une petite idée qui traîne. Voilà, moi, j'ai une bibliothèque, hein, derrière moi, hein. Je tends la main, j'ai des CD, hein. Bon, moi, par contre, je galère un peu avec le. L'horoscope chinois? Ouais. Non, on va en trouver un avant, ouais, avant 9h. Sinon, on peut prolonger jusqu'à 10h, si tu veux, hein. On a peut-être du monde derrière toi. Ouais, bah, il y a monsieur Lorenzo derrière, il est sympa Lorenzo, hein, t'aimes bien? Ouais. Moi j'aime bien l'horoscope chinois qui arrive dans quelques minutes. Peut-être. Avant on voulait, peut-être, hein, si tout va bien la technique, hein, la technique c'est Michel, le like juqué c'est Momo. Et si vous voulez bien, ce matin on vous emmène vers l'île de la Réunion avec DJ Assad, Demi Azor. On leur souhaite bon courage. Ouais, là-haut c'est pas facile. Là ils sont ramassés un cyclone de ouf. Ouais, le cyclone là, ouais, j'ai vu ça. Hein. Ouais, ça. Petite dédicace à nos amis de la Réunion, voici à la Lila. Toi dans la gaieté, c'est qu'à peine d'or qui fait t'implorer. Quand elle y fait t'oublier tous à grains, à l'eau bouge de les reins. C'est gars là pour faire ta passe de la fin. Mette la foi dans tous les quais. Vini danser, pas bizarre, topé. Ici c'est grâce à nous dansons frais. De Paris à l'île aux Cé. C'est pour nous amuser. C'est ça. Mets la foi dans tous les quais. Vini danser, pas besoin de paix. Ici c'est grâce à nous dansons frais. De Paris à l'île aux Cé. Ça dévaste tout. Hein. Ouais, bah, ils ont pris surtout beaucoup d'eau, donc là maintenant ça va se calmer, mais le ça temps qu'il calme, il déclenche le plan hors sec, qui est un plan en fait en mise en sécurité des populations. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont un petit peu déblayer les, la route du littoral, normalement, parce que c'est la route principale, évidemment, celle du littoral, et donc elle va être nettoyée de façon à ce que les gens puissent reprendre une circulation un petit peu plus normale, et puis rétablir aussi le plus possible l'eau et l'électricité, parce qu'ils sont très très impactés et c'est compliqué pour eux. C'est la nature qui reprend ses droits, c'est ce que disait Soprano, hein. J'aime bien ce titre, on va l'écouter tiens tout à l'heure. On est avec vous ce matin jusqu'à 9h, on est là, et puis l'horoscope qui arrive dans quelques minutes normalement, si tout va bien on aura l'horoscope, et puis les bons plans de la passerelle pour l'instant. On a une petite sortie plutôt, des sorties, parce que vous savez qu'on est partenaire de la passerelle. Avec Arc-en-Ciel, voici les bons plans de la passerelle. À Fleury-les-Aubrais, cette belle salle des fêtes, on salue d'ailleurs Carole Canette, la mère de Fleury. Avec plaisir. Écoute des fois le matin, salut Carole. Donc pour ce soir, hein, vendredi 4 février, on est d'accord, à 20h30, il y a un spectacle qui nous est présenté par la compagnie Chaliwaté. Alors j'espère que je prononce bien, parce que c'est... Chaliwaté. Et les critiques sont plutôt alléchantes, et c'est quelque chose d'assez poétique. Alors 1 2 3 partez, bienvenue à l'aéroport 2, on ne sait pas. Un homme à rebours du monde, épris de liberté, enivré d'insouciance et infranchi des conventions, arrive dans cet aéroport. Il rêve d'un nouveau départ ici, dans cet espace hors du temps, de tromper sa solitude. Il navigue entre les cabines des passagers, les postes de pilotage, en passant par le hall de l'aéroport, dans un tourbillon de déplacements incessants et rocambolesques. Des scénettes s'enchaînent, entre hilarité et affrontement délirant. Ce spectacle se joue de nous, mêlant mime imprévisible et poésie visuelle, dans un univers plutôt décalé, proche de celui de Jacques Tati, si ça parle à quelques-uns. Bienvenue dans cet entre-deux où on n'est pas déjà, où on n'est plus vraiment ici, mais pas encore là-bas. Une comédie aux couleurs acidulées, un minimalisme plutôt élégant. Et puis faut vous laisser tenter par l'aventure. C'est un spectacle plein de poésie et un petit peu inspiré du cirque visuel. C'est aujourd'hui, hein. C'est aujourd'hui, c'est à 20h30 et c'est dans la salle Jean Cocteau. C'est un spectacle qui dure une heure. Et vous pouvez retrouver Sandrine Hérault, Sicaire Durieux, Loïc Faure. La mise en scène est des mêmes. Sandrine Hérault, Sicaire Durieux et Loïc Faure. Et un bon truc à voir. Un bon moment. Du théâtre, ils appellent ça du théâtre physique. C'est-à-dire que on est vraiment dans cet esprit de cirque un petit peu, avec beaucoup de mimes et beaucoup de drôles de situations à la Jacques Tati. C'est ce qu'on vous propose, en tout cas, à la passerelle ce soir. Ce soir, en parlant de ça, justement, j'ai vu mon ami Tillade qui fait Monsieur Loyal, tu sais, au Cirque Grus, à Saint-Jean-de-Bray. Ouais, ça m'a fait plaisir de le revoir, Monsieur Loyal, le Cirque Grus. Toujours bien à Monsieur Loyal, c'est la classe. Ouais, qu'on salue au passage. Belle journée à vous. L'horoscope chinois, normalement, devrait arriver dans quelques minutes, parce qu'il arrive de Chine, c'est pour ça, donc il est très loin. Non, mais c'est parce que j'en ai trouvé, mais ils sont tous quand même assez longs. Ouais. Et du coup. J'essaye d'en trouver un cours plus court. On écoute plus Hiro. Visible, plus écoutable. Je voulais vous dire que j'adorais ce titre-là, Soprano Hiro. T'aimes bien, non? Tu connais, non? Oui. Voilà. J'aime bien Soprano, Marseillais. Marseille, allez. Je serais parti revivre la naissance de Lenny et d'Inaya. J'aurais été à Sana, boycotter le décollage de la 310 de la Yémenia. J'aurais été voir mon grand-père une dernière fois, lui dire que je m'occupe de sa fille, qui ne s'inquiète pas. Je serais parti voir Martin Luther King, après son discours, lui montrer la photo de Barack Obama. J'aurais été au temple d'Harlem, pousser Malcolm de la scène avant qu'une balle l'atteigne. J'aurais été dans la cellule de Mandela pour lui dire tiens un coup, tes idées seront président du Sud-Africa. Amoureux de Lady Diana, j'aurais créé un gigantesque bouchon sous le pont de l'Alma. J'aurais été aux Bahamas, pas pour les vacances, mais pour vider la soute de l'avion d'Alia. J'aurais aimé voyager à travers le temps. J'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura. J'aurais été au combat de Mohamed Ali à Kinshasa. Puis j'aurais été fêter l'indépendance de mes Comores dans les bras de mon grand-père avant sa mort. Puis un petit tour au Paris-Dakar en pleine savane pour boycotter l'hélico de Daniel Balavoine. Moi qui aime les vérités de ceux qui portent un nez rouge, j'aurais été crever les pneus d'un moto à Coluche. J'aurais été accueillir Mahomet à Médine, puis aller voir la mer rouge, laisser passer Moïse. J'aurais été à la naissance du fils à Marie, 2 heures après faire la marche, tu sais, avec Gandhi. J'aurais été m'asseoir auprès de Rosa Parks, puis à Woodstock, pour vivre un live de Jimi Hendrix. J'aurais été à l'anniversaire de la Motown, pour aller voir Michael nous faire le moonwalk. J'aurais été à New York, pour déclencher à 7 heures, une alerte à la bombe dans les 2 tours. J'aurais été en Irak, apprendre aux journalistes à mieux viser avec leurs chaussures. J'aurais été en Afghanistan, jeter les caméras de la dernière interview du commandant Massoud. J'aurais été en Angola pour aller dire à l'équipe d'Adebayo de ne pas prendre la route. J'aurais été à Clichy-sous-Bois, débrancher le transport de DF avant que Zia et Puna arrivent. J'aurais été chez Kunta Kinte ou sur Corée pour leur donner des fusils avant que les colons arrivent. J'aurais été voir les tirailleurs africains pour leur dire qu'on traite leurs enfants à immigrer. J'aurais été en Autriche, j'aurais tout fait pour que les parents d'Adolf Hitler ne se rencontrent jamais. Même si j'avais eu le pouvoir de Nakamura, qu'aurais-je fait pour Haïti, le tsunami ou Katrina? Qu'aurais-je fait pour l'Alaska? Tout ce que la nature nous a donné, la nature nous reprendra. Tellement de choses que j'aurais voulu changer ou voulu vivre, tellement de choses que j'aurais voulu effacer ou revivre. Mais tout cela est impossible, ami. Ah là là. J'aime bien cette chanson parce qu'elle est réelle. Oui. En fait, c'est un super héros, je crois, chinois ou japonais. Il parle de ça et qui fait plein de belles choses. Et lui, aurait voulu enlever la mort à Coluche, enlever la mort à Balavoine, etc. Alia. Ah là, c'est ça. Quel bon souvenir. L'horoscope chinois qui arrive avec vous et ce matin. C'est la bataille. C'est la bataille. J'aimais bien ça. Dans la bataille. C'est la bataille, l'horoscope chinois qui arrive avec Stéphanie Vieille, avec Sankokai. Oh, j'aimais bien ça, moi, quand j'étais gamin. Il va pas là, Sankokai. Non, il va pas tarder à arriver. En tout cas, j'aimais bien Sankokai. T'as aimé aussi, toi, non? Ouais, j'aimais. Ah. Non, pas trop? Bah, moi, c'est les effets. Attends, ça tue les effets. Bof. Moi, j'étais plus Goldorak. Ah, bah, Goldorak, Candy, ouais. Heidi, ouais. Tu sais, une fifi. Tiens, on fera une émission la semaine prochaine si tu le veux bien, spécial dessin animé des années 80. Non, bah, si tu veux, ouais. Avec des petites histoires, Goldorak, Candy, on peut choisir 3 thèmes, par exemple. Ah ouais, mais il y en a plein, il y a Albator, il y a les... Non, mais raconte un peu l'histoire du dessin animé, je sais pas, d'où comment il a été créé, tout ça. Si tu veux, t'as du boulot, dis donc. Non, mais 3-4, on va pas faire toute la planète non plus, hein. Et puis on met les musiques en même temps, tout ça, t'écouteras les musiques dans les bagnoles, si ça va être sympatoche. Tiens, vendredi prochain, on va... Un vrai truc de vieux, comme dirait Katia. Alors, bienvenue sur la radio des vieux. Tous les jeunes, vous vous barrez tout de suite, vous allez sur les radios. On peut faire plus vieux, hein. Moi, je peux vous faire une playlist des années 20, 30, 40. Je suis capable. Et ben, avec plaisir, parce que, et en plus, je vais te dire un truc, ça me fera plaisir. Pourquoi? Pour 2 choses, parce que ça me rappelle, ma grand-mère. Et puis, aussi, ça fera un petit clin d'œil à notre ami Michel qui nous a quitté de la radio. Voilà, ça les fera. On lui fera une émission spéciale pour lui, pour la peine, avec ces petits sons des années 20, 30, 40. Ouais, hein, voilà. Et ça me fera plaisir de remémorer la mémoire de ce bel animateur radio qui était Michel, avec qui j'ai travaillé ici et à Radio 5 à l'époque dans les années 80. Voilà. On est un peu tout terrain en fait. Ah bah nous on fait tout, nous on est éclectiques, nous. Hein. Nous on s'en fout des tubes, hein, nous on s'en bat les webs. Nous on aime la musique. Nous on veut de la musique, quoi. Hein. les Gims, les machins, les Kenji là. Et on aime tout. Ouais, et puis on aime tout, hein. Moi j'ai rien contre eux, mais bon voilà quoi, il y en a Nakamura, toute la clique là, moi je suis pas, voilà, on en passe parce que voilà. T'es un vrai vieux quoi. Je suis un vrai vieux moi, ouais, je suis un vieux quoi, je suis né là-dedans quoi, tu vois ce que je veux dire là Marie, hein. Bon allez, on va faire encore un truc de vieux. Ah là là là là. Non, je vous en ai trouvé un qui est pas mal là, qui reflète un petit peu l'ambiance de l'année, en tout cas en termes d'astrologie chinoise, donc on va peut-être s'en faire, vu qu'il y a 12 signes, je propose d'en faire 6. Allez, 6 signes. Et puis on s'écoute un petit truc, puis on finit après. Bah voilà, on fait 6 signes par 6 signes. Ça vous va voilà. Comme ça. Allez, 6 par 6, on y va. Allez, on commence avec nos amis les rats. Oh, les rats. Quelques obstacles vont se dresser sur votre route. Au fil des... On s'arrête là. Attends, on va prendre la lantenne parce que moi, ce que j'aime bien, c'est le... Vas-y. Allez, on s'arrête. Et moi, je fais tout ici. C'est les aléas du standardiste. Allô, qui va là, je te prie? En plus, c'est le mec, il nous appelle, il nous raccroche. Oh là là, les lourdingues. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes lourd le matin. Bon, allez, les rats, c'est reparti. Quelques obstacles vont se dresser sur votre route au fil des mois. Et des turpitudes sont à prévoir dans votre vie sentimentale. Contrôlez votre humeur en faisant preuve d'optimisme et osez exprimer vos sentiments dans vos relations amoureuses. Ce sont des épreuves qui rendent plus fort. Ne craignez pas d'aller de l'avant, amis les rats. On continue avec le buffle ou le bœuf. Le buffle. Ça dépend. Parfois c'est le buffle et parfois c'est le bœuf. C'est à l'appréciation de chacun. Ok. 2022 s'annonce intense en émotions. Au second trimestre, votre pouvoir de séduction sera au maximum en couple. Vous aurez envie de renouer avec l'être aimé, avec une union stable à la clé. Cette année, tout particulièrement, il faudra savoir faire preuve à la fois d'audace et de prudence. Ne soyez pas trop impulsif, soyez plutôt à l'écoute des autres. En revanche, ne prenez aucun risque, mais préservez toujours votre sécurité. À quoi tu joues? Non, je joue avec son cocaïe. T'as la bataille, L'année des tigres. Non, c'est comme un chinois avec Stéphanie Mier en drague sur un concert. L'année du tigre, voilà. Donc pour les tigres, eh bien cette année 2022, eh ben en gros c'est la vôtre, hein, évidemment. Ouais. En couple, vous améliorez ensemble votre confort. Côté santé, vous prenez soin de vous grâce à une hygiène de vie saine et de la méditation, par exemple. Un changement d'environnement est à prévoir au beau jour. Donc voilà, pour les tigres. C'est une année de changement, je J'ai fait un direct un jour, je raconte ma vie tous les matins, moi. Mais à la radio une fois, j'ai fait un direct avec un tigre, mais et c'est flippant parce que là on les voit comme ça. Moi j'ai fait vraiment un truc avec un tigre en direct dans un cirque. Ben, j'ai flippé, hein. Je crois que je me suis même pipi dessus. Oh. Ah ouais, il fait pipi. Tiens, bah, ça va aller mieux là, c'est avec les lapins qu'on part. Hein, les lapins? Oui, il y a les lapins. Bon, les lapins, là, version chinoise, en temps matin, les lapins, bonjour, les lapins. Bon, qui c'est qui nous appelle depuis tout à l'heure, là? Il y a un lourd qui nous appelle, on va le prendre à l'antenne tout de suite. Hop. Allô, qui va là, je te prie? Allô, Bandia? Si, comment ça va? C'est qui? Bah écoute, je savais pas quoi faire, j'avais envie de t'appeler, j'ai envie de parler. Mais qui est là? Ah, mais je sais. C'est Joël, c'est Joël. Alors, comment... C'est les parfumeurs. Ah, les parfumeurs. Comment ils vont, mes deux animateurs préférés? Bah ça va, nous on est bien dans les studios. Moi j'ai mis une vitre pare-balles devant moi parce que Stéphanie, elle envoie des postillons, on dirait des obus. N'importe quoi. Ouais, bah oui, ça m'étonne pas. Non, non, mais je lui ai fait boire du gingembre ce matin, j'aurais pas dû, il est dans un état. Jamais dû faire ça. Merci. Bon, allez, je vous embrasse et bonne émission. Merci les. Gros bisous, Joël. Merci les amis. Bisous. Ça fait plaisir de voir des amis comme ça à la radio le matin, hein? Pour faire coucou. Ah, moi j'adore. Moi j'aime bien quand les gens font coucou, hein. Mais du coup, on en était où, aux petits lapins, je crois? Les lapins. Les petits lapins, tiens. Eh, ça tombe bien avec les amis, là. Ça va, les petits lapins, hein. 2022 sera le signe de grands changements. Une nouvelle rencontre, un mariage, ouais. Une affaire immobilière, un déménagement, un nouveau métier. Vous trouverez le courage de vous élever. Niveau santé, eh bien, vous aurez plutôt une pêche d'enfer, les petits lapins. Les lapins, doucement, les lapins de matin, version chinoise de Laurence Camp, avec Stéphanie Bier. Allez, on se fait les dragons et on finira après. Les dragons, ça va envoyer du feu, ça. Les dragons en amour, soyez à l'écoute de votre chair et tendre. Célibataire, ouais. Vous écouterez votre intuition pour dénicher l'âme sœur. Côté pro, vous êtes apte à vous engager dans de nouveaux projets. Enfin, si il vous est plutôt conseillé de pratiquer une activité sportive régulière pour les dragons, pour entretenir la flamme. Pardon, elle était facile. Qu'est-ce qu'elle est facile, celle-là? Oh, maître Capello, sors de ce corps! Je me suis pas fait une entorse du cerveau, tout va bien. C'est clair, on entorse d'autres choses si tu veux, mais bon, le cerveau. Qu'est-ce qu'on se marre le matin? Ah, ça servirait, genre, je te le dis, ouais, fais gaffe, hein, Stéphanie. Bah, on ne fait rien de mal, on rigole. Non, peut-être même qu'on amuse aussi. La galerie. Joël Olivier, ça les fait marrer, en tous les cas, dans la bagnole, là. Salut. L'horoscope chinois dans quelques minutes, le Sinovosing. Yeah. Arrête avec ton sang de cucaille. Telle la bataille. C'est bon, c'est l'horoscope chinois, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi déjà, Stéphanie? C'est le nouvel an? Non, c'est pas aujourd'hui, c'était le 1er février. Ouais, donc le 1er c'est la nouvelle année lunaire, mais voilà, qu'on appelle aussi le nouvel an chinois. Lunaire, bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel, il est en 8h27, la radio couleur. Venez tous nombreux nous écouter ce matin avec des tubes, et des tubes, toujours des tubes. Vous êtes en direct sur le 82. Trouve-nous un tube, justement, chinois. Eh ben, tiens, je vais aller voir juste après. D'abord, j'ai un petit remix que Joël Olivier aime bien, c'est Jean-François Maurice. Il avait une voix de crooner de radio, c'est un ancien animateur radio, et c'est 28 degrés l'ombre version remixée 2021. Okay. On aime bien ça, t'aimes bien ça, tu connais, te rappelles? Ouais, c'est un peu kitsch, mais c'est ça. Ouais, mais c'est marrant, allez, on y va, c'est parti. Le soleil est si haut, je caresse tes jambes. connerie. Non, là, bah jure. Dis donc. T'as vu mes yeux, c'est pas ça. Ouais, je vois tes yeux, je vois ton sourire, je vois le téléphone. T'as les yeux non, qui sont pas connerie. Non, parce que j'ai trouvé un truc qui cartonne en Chine. Apparemment, c'est un carton. Bonjour, les amis. C'est pas méchant quand on fait ça, mais... Non, mais c'est sympa, écoutez. Voilà, nouveau réveil le matin. En fait, t'as ça dit... fait voyager. Ouais, ça fait Francky. Au pays du soleil levant. Pays de Candy. C'est Francky qui vous réveille tous les matins sur Arc-en-Ciel Orléans. Plus jamais je te fais goûter du gingembre. C'est Francky à la radio. Bonjour les amis. Oh, c'est pas mal ça. Attends, quand même. Des belles choses. 6 nouveaux signes qui arrivent avec toi, Stéphanie Bietu, les as sous les yeux. Non, mais j'en ai fait que 5, donc il y en a 7. Donc et on ben va peut-être voilà. En faire 3 et on en refera 4 après. Et ben voilà, 3 signes du... Allez, le serpent, le cheval et la chèvre. On commence par le serpent. Amour rime avec bienveillance en cette année 2022. Mmh. Pour préserver la stabilité, les célibataires trouveront l'âme sœur au cours d'un voyage ou, dans tous les cas, en terrain inconnu. Mmh. Votre charme et votre charisme excellera. Côté professionnel, attention au rythme effréné pour les serpents. Voilà. Le cheval ou les chevaux. Les chevaux. Il sera temps de faire preuve de sagesse et de stabilité. Un changement de situation ou d'environnement est à prévoir en 2022. Mmh. Vous donnerez vie à vos projets les plus fous. Plus que jamais confiant, vous allez vous élever cette année. D'accord. Pas mal pour les... C'est pas mal les chevaux. Pour les chevaux. Moi, je parle mal la France, moi. Alors, les biquettes. Les biquettes, alors la biquette de la chèvre de Monsieur Seguin. Tu te rappelles de ça à l'école? Oui, je m'en rappelle. C'était bien. Pas mal, hein, non? Ouais, c'était des bonnes leçons de morale, en tout cas. Eh ouais. Cette année du tigre. T'as, j'ai une patate avec ton truc, là. Cette année du tigre résonnera comme un nouveau départ. Signe d'engagement, une histoire sérieuse s'annonce au printemps. Au travail, vous serez plus que jamais concentré, mais attention à lever le pied quand même pour les chèvres. Les chèvres, ouais, les chèvres. On se fait un singe ? Allez, un singe. Ne faites pas trop l'imbécile ce matin. Vous aurez envie de nouveautés, vous vivrez au jour le jour et aucun changement d'ordre professionnel ou autre déménagement ne vous fera peur. Laissez de la place à une activité personnelle qui pourrait vous apporter le succès. Côté cœur, les instants très romantiques vous attendent. C'est mignon. Katia me dit, c'est moi le singe. Elle est singe, apparemment. Ça m'étonne pas. Je sais pas pourquoi. C'est mignon. Allez, on en garde 3 pour tout à l'heure. Eh ben, on en garde 3 pour tout à l'heure avec le meilleur des souvenirs, les années 2000. Et moi, j'adore les années 2000 aussi. Je sais pas pourquoi. Les 90, les 80, les 2000, je crois que c'est vraiment les meilleurs moments qu'on a passés. Non? Tu te rappelles de ça? L'intro, ça te dit rien? Anastasia, my love. J'adore hein, ce titre là. Ouais, je l'avais. Hein. Ouais, bien joué, c'est pour toi. C'est 10 000 euros, Stéphanie Blier. Allez, oh, cool. Allez, je sais quoi en faire. Yeah. Come on. bien ça. Hein. Ouais, j'aime bien ce qu'il y a derrière aussi, j'aime bien beaucoup. Il y a quoi derrière? Il y a Sophie Elix Dextor. Ah bah je voulais le mettre juste derrière. Bah oui. Ça te va? J'adore. Et bah voilà. Et bah toi, la programmatrice de la radio, elle est là. Ce matin en direct, 8h37, belle journée, bon réveil avec cet horoscope qui va se terminer. Il reste combien de signes? Mais il nous en reste trois. Trois signes chinois pour dans le tien ce matin. Et le mien. Ah, le mien et le tien. Ah. Mais on va commencer par les coqs. Les coqs, ah les coqs, c'est ouais les coqs. Alors les coqs, si vous êtes coq, alors... si vous êtes coq, eh bien en 2022, vous sortez de votre zone de confort, vous gagnez en confiance et vous ne ressentez plus le besoin de plaire. Vous mettez le cap sur un avenir plus confortable, tant amoureux, matériel que professionnel. Vous avez l'ambition d'exercer une activité épanouissante et vous gagnez en intimité dans votre relation de cœur. Côté pro, les affaires seront bonnes. Que du bonheur pour les coqs. Et puis j'ai vu qu'il y avait aussi des procès avec des coqs, tu sais, dans les campagnes là, il y en a qui font des procès avec des coqs parce qu'ils chantent trop le matin. Oui, et s'emmerdent le voisinage. C'est les néo-ruraux, on les appelle. Les quoi? Les néo-ruraux. Les néo-ruraux, c'est les nouveaux campagnards qui viennent de la ville et qui ne s'adaptent pas. Voilà. On vous emmerde. Tu savais pas néo-ruraux? Non, je savais pas. Un nouveau. Alors attends, le dictionnaire, Maître Capello. Néo-ruraux. Je le note. Néo-ruraux. Néo. Néo de nouveau. Rouleau. D'accord. Et ruraux de rural. Ah, bah non, tu m'en apprends des choses le matin. J'aurais dû être intelligent dans ma vie, moi. Allez. J'aurais dû aller à l'école, en fait. Les chiens. Ah, poupouf. Les poupouf, ce matin. Écoutez bien. Vous profiterez des bienfaits du printemps pour prendre de grandes décisions. Engagement, déménagement, nouveaux projets professionnels ou reconversion. Côté santé, accordez-vous des moments de détente. Il faut, parce qu'en ce moment, j'ai mal à droite, là. Je fais une échographie bientôt, là. Parce que j'ai un problème de... Je sais pas ce que j'ai, en fait. J'ai un problème. J'étais pas de côté. J'étais voir le bout hier, mon docteur, et trouve pas. C'est bizarre. T'es pas un peu hypochondriaque? Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai, ça me fait mal ici. Je crois que j'avais l'appendicite au début, mais non, c'est pas ça. Non, mais je l'ai jamais eu. Ça peut arriver. T'as déjà eu l'appendicite, toi? Non, j'ai pas eu l'appendicite. Voilà. Donc, tu sais pas. Donc, voilà. Donc, je sais pas. Mal, moi, quand je vais mal, je vais voir le bout. J'ai eu d'autres trucs que t'as pas eu, mais j'ai pas eu l'appendicite. Non, mais je vais pas faire le détail. On continue. Allez, horoscope chinois, on termine enfin sur les cochons. L'amour sera votre priorité cette année 2022, à condition de ne pas trop l'exhiber. Célibataire, vous aurez une grande envie de plaire. Côté pro, une reconversion ou un changement d'orientation se dessine. L'été sera fort agréable, mais l'automne un peu plus rude. Pensez à vous ressourcer. Voilà, les quoi les... Les cochons, les groingroins, les sangliers. Les sangliers, voilà. Bonjour à tous nos amis sangliers qui traversent les routes le matin de bonne heure. On les salue. Ils sont en ce moment du côté de Chalette-sur-Loing. Hein, toute la famille sanglier avec derrière eux Astérix et Obélix. Voilà. C'est bon, ta température toute la journée, il paraît. Moi, ouais. Moi, toutes les deux heures, je prends pas tu température. Tu vois que t'es hypochondriaque. Non, mais sérieux, ouais. Par contre, moi, j'ai un problème avec ça. C'est que j'ai le thermomètre électronique. Dès que je l'ai à portée de main, tac, un petit coup sur la tempe. Sur les... T'as pas encore investi dans le petit tensiomètre ou le petit truc qui prend les pulsations? Ça va pas tarder. Si, ma montre, elle le fait, ça. Ah. Elle le fait. Donc, j'ai pas besoin d'acheter tout ça, parce que la montre, maintenant, ma montre connectée, le fait très, très bien, justement. Un titre que tu voulais écouter. Sophie, Elix Dextor. Ah, j'aime bien ça. J'adore. Murder on the Dance Floor. Et le clip, j'adorais le clip. Regardez le clip. Vous tapez sur Internet, Google, Sophie Elix Dextor. Du son pour toi, Stéphanie Bier, ce matin. Allez, c'est parti. On va aller tuer quelqu'un sur le dance floor. Voilà, on va aller buter des mecs ce matin. Allez, on y va. Belle journée et bon réveil. You. Sur le dance floor au DJ, hein. Ça fait un tabac sur la piste de danse, mais tu ferais mieux de pas casser l'ambiance. Hey, hey, DJ, envoie du son. Mais on entend des coups de feu. Et puis derrière, on entend des flingues. Bah ouais, ouais, c'est simple, parce que c'est ça la vie, c'est le dance floor. C'est de la place, en fait. C'est genre comme un concours et faut qu'elle soit la dernière. Qu'elle soit là pour prendre toute la place pour danser. C'est un truc de, un vieux souvenir, les 24 heures de danse au zigzag. Ah ouais, bah j'ai failli les faire à l'époque. Ah, moi je les ai fait. Ah ouais, c'était vieux, ça. Oh là, je les ai fait. Putain. C'était top. Ah, quel bon souvenir, en tout cas. Et tiens, une petite sortie pour demain. Je vous propose un petit match de hockey sur glace. Ah, bah justement, ils sont bien à la radio. Ah bah tu vois, mais je sais, j'ai vu qu'il y avait l'entraîneur qui était passé là, il y a quelques semaines de ça. Et franchement, ils assurent, hein. Ils ont bien remonté le niveau, ils sont top les petits renards là, ils bossent bien. Les petits renards. Donc n'hésitez pas à aller les encourager demain soir à la patinoire. C'est demain? Oui, c'est le samedi en général les matchs. J'ai pas vérifié en plus. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est le à l'arrache, mais normalement c'est ça. Ouais. Et du coup, bah voilà, les renards, vous vous renseignez. De toute façon, vous tapez même sur Facebook Les renards d'Orléans, vous allez avoir tout le détail de l'affiche, de l'horaire, de tout ce qui va bien. Et franchement, allez les voir parce que ça fait du bien de. C'est top. C'est génial les matchs. Allez les renards demain. Ça sera plus sympa que de regarder les JO. Voilà, sympa. Bah là, écoute, Lazara, t'aimes bien ça? Tu t'en iras, tu connais ça? Non. Et bah écoute, on dirait Edith Piaf un peu. Écoute, vite fait. Même sans bouger, même sans douter, je dirais que tu ne m'aimes pas et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois que j'aime être contre toi? Moi je m'en doutais. Du mal à m'exprimer, je trouve pas les mots, des fois que j'en dis trop. Autant te dire que je m'attends au pire. Est-ce de ma faute, est-ce de la tienne ou celle des autres? Moi j'ai douté, j'ai tant douté, j'ai trop douté. J'ai perdu la foi en l'amour d'autrefois. Moi j'ai broyé. Je n'attendais pas que on ira. C'est bien ou pas ça, non, Lazara? Oui, oui, elle a une très jolie voix. Ça, loin, ça, hein. Ça coule tout seul. Mmh, ça sent le renard ce matin, non? C'est une blague. Et on parlait du match de hockey sur glace demain soir. On en parlait il y a 3 minutes en direct à la radio. Oui. Et puis, on a le coach qui est là avec nous au téléphone. Parfait. C'est Gilbert. Salut Gilbert. Bonjour Francky. Ça va? Bonjour. Comment il va bien ce matin, Gilbert? Il va bien. La veille d'un gros match. Ouais. C'est quand? Voilà. C'est demain, hein? C'est quelle affiche? C'est Orléans-Anglet, demain soir, 18h15, à la patinoire d'Orléans. Mmh. Ok. Ça va être du lourd. Hein. Ça se jouera pour le. C'est l'avant-dernière journée du championnat régulier pour nous. Mmh. Et on est à 2 points d'Anglet si on gagne demain. Quand on a gagné demain, on passe devant. Ah, c'est bon ça. Cool. Ah putain, voilà. J'espère que. Grosse pression du coup alors. Un petit peu là, depuis le début de la semaine, on est, on sent la pression monter. Et ça se joue bien à domicile par contre. Ça se joue à domicile. Ouais. Ouais, on lance le message là aujourd'hui, venez tous demain à la patinoire, hein, encouragez. Ouais, faire du bruit. On va faire du bruit. Hein. Moi, je vais passer devant avec des fumigènes, des pétards. Je vais brûler des pneus devant la patinoire. Je vais. Tu vas te faire arrêter. Ouais, c'est tout. Alors, garde la vue. Ouais. Le directeur va être heureux. Oh, on l'aime bien, le directeur. C'est un ami en plus. On le salue au passage. Et demain, donc, c'est quoi les consignes alors aujourd'hui pour les joueurs? Tu les embêtes pas quand même, non? Tu leur dis quoi? Les consignes, c'est alors j'ai une équipe qui est extrêmement jeune. Ouais. Hein, le plus jeune a 17 ans. Ah oui. Et puis les plus vieux a 25-26 ans là. Ah bah merci. Donc, pour une nous. Une équipe relativement jeune et je sais qu'ils sont les matchs contre les équipes mal classées. Mmh. On va les prendre à la légère. Ouais. Voilà, et je sais que demain et depuis le début de la semaine, ils sont concentrés sur leur sujet, et parce que c'est les matchs qu'ils aiment bien. Mmh. Et donc, l'intervention du coach, elle existe pratiquement pas, à part sur les points techniques, sur la tactique de jeu. Mais il n'y a pas besoin de mettre de l'ordre dans la maison. La maison est rangée. Voilà. Les mecs, ils sont motivés. Et une belle cohésion de groupe, en tout cas. Ouais, c'est sympa. C'est ça. Et puis, Anglet est un gros client. Ouais. Anglet, c'est un club qui a une équipe première. Là, on joue la réserve d'Anglet. Ouais. Anglet a une équipe première qui joue en Ligue Magnus. Mmh. Demain, la Ligue Magnus ne joue pas. Les moins de 20 ans d'Anglet ne jouent pas non plus. Donc, ils vont certainement nous proposer une belle opposition avec une belle équipe. Ah ouais. On avait fait 7-7 chez eux. Mmh. On avait perdu en prolongation. Donc, on sait qu'il y a la place pour aller les taquiner, pour faire le maximum pour prendre la deuxième place. Si tu veux des renforts, moi je te mets Stéphanie dans les buts et moi je prends je jouais ailier droit parce que j'étais goofy. Ah, t'as joué toi? Oui, j'ai joué, moi. Oh la vache. Il y a longtemps. Et moi ce que je propose, j'ai une idée, demain pour le match Gilbert, ce que je propose c'est de balancer des poules sur la patinoire parce que les renards, ça adore les poules. C'est et, ça. Et là ça va, tu vois ce que je veux dire? N'importe quoi. Alors l'emblème d'Anglais c'est un orque. Donc le renard il va se taper un orque demain. Et ben voilà. On le souhaite très fort et puis j'espère qu'il y aura le public en tout cas pour vous accompagner, vous soutenir parce que franchement il y a eu des beaux efforts cette année. Et c'est l'équipe est sympathique et ça fait plaisir de voir une équipe. On va chialer. Mais ça fait plaisir de revoir du joli hockey à Orléans franchement. Ah, moi je suis fier des renards franchement ça me fait plaisir. Ok c'est gentil. Tout notre soutien. Merci Gilbert. Merci beaucoup. Et allez les renards demain, allez les supporter. Salut Gilbert, merci à toi. Au revoir. Salut. Et super sympa Gilbert. Hein, moi j'ai un pote aussi qui s'appelle Gilbert. C'est un autre Gilbert Montagnier. Il voulait faire du hockey. Et il cherche encore le terrain aujourd'hui. Il cherche la patinoire. Il m'a dit ça fait 3 heures que je tourne. Je suis pas sûr qu'elle était indispensable celle-là. Non, mais maintenant que c'est fait, on va la prendre. Hein. Tu sais que Gilbert est champion du monde du Rubik's Cube. Hein, il l'a fait en 3 secondes. Le Rubik's Cube. Voilà des petites blagues comme ça le matin pour terminer cette émission dans moins de 10 minutes. Normalement il y a Monsieur Laurent qui doit arriver. 8h52. Peut-être. On en écoute un petit truc sur la route tiens. Hein, pourquoi pas. Ça te dit? Sur la route de la bagnole. Oui. Un petit de Palmas. Allez. Avec plaisir. Sur la route, et on se retrouve juste derrière avec le monsieur Laurenceau, normalement, qui est là à 9h. Belle journée. Il arrive, je vois dans la caméra. Ça y est, là. Il a une belle casquette, ça va, là. Tu vois? Ah, il a une casquette, hein. Il a un masque. Ah, il met son badge et il rentre. Ah, c'est bon, il peut rentrer. Il est pas viré, celui-là, encore. De Palmas, sur la route. Entre toutes autres choses, J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Suis seulement jamais plus libre dans tes pensées. Ouh, ouh, ouh. J'avais perdu l'habitude. Chacun de mes pas, erreur fatale, bien le temps des regrets. Je me noie dans un verre de larmes. J'étais sur la route toute la fin de journée. Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. Avec Gérald de Palma, sinister, one again two beast to fly, yeah one again two fly. Ah ouais quand même, non mais Gérald c'est terminé, je t'en trie. La prochaine fois je prendrai du pruneau, ça va te détendre. Ah, le pruneau, il est bien aujourd'hui. Hein. Je suis en forme. Eh ben, je fais moi du jus de gingembre et je lui en ai fait. Ah ben a filé un verre en titre alors. Ouais, j'ai il voulait goûter, je lui ai fait goûter. Par contre je recommencerai plus. C'est pour ça qu'elle en possède. Ouais, je recommencerai plus parce que ça a été vraiment trop efficace sur lui. Moi, j'avais très peu dormi, ça m'a tonifié, mais lui, c'est trop, quoi. Lui, c'est, il y a pas besoin. Là, j'ai une patate, je vais aller couper des arbres en forêt. T'es en mode Obélix, quoi. Toi, t'es tombé dedans. Je vais couper des arbres ce matin, Charlie Ingalls. Hein, t'as pas intérêt à aller couper des arbres. Ah oui, c'est vrai. C'est pas le temps de couper les arbres, là. Non, on peut pas couper d'arbres. Parce qu'il pleut et tout. Ouais, c'est pas grave. Non, on coupe pas d'arbres. Je vais aller couper des arbres ce matin à la Charlie Ingalls. Tu vas voir, je vais te ramener un cerf à la baraque. Il n'y a pas de chupiné, mais c'est pas grave. Comment il va, monsieur Laurenceau? Ça va bien. La forme? Ouais, oui, ça va. Bon, j'ai vu que Tony Carrera, il venait dimanche à Orléans. Oui, normalement, oui. Ben, si tout va bien, s'il n'a pas de Covid. Hein. Oh, je pense pas. Non, ça va, je apparemment. Pense que ça va y aller. Hein. Ouais, donc le concert, je vous rappelle, c'est dimanche. J'ai perdu ma fiche. À 16h. Oui. Voilà, j'avais une fiche sous les yeux, mais on me l'a piqué. Donc je sais pas qui c'est qui le pique. Mais il a été décalé, non? Ouais, décalé Guadar, il était. Parce que je crois qu'il va à Paris demain. C'est ça. Demain soir, donc, après qu'il descend, il vient ici. Voilà, il prend la route. Je pense. Hein. Il prend la Nationale 20. Et oui. Il arrive à Orléans. S'il prend l'autoroute, il paiera plus cher. Hein. Ah ouais, c'est plus cher, Tony Carras, si tu nous écoutes. Je crois qu'il va prendre son avion privé. Ah, il a un avion. Ah, bon, ça va alors. Ça vient plus vite. Hein. Bah oui, ça va plus vite. C'est comme Ronaldo, tu sais. Ah ouais, bon, bah c'est bien. En tout cas, il est connu au Portugal, Tony Carras. Ah oui. C'est un peu le Johnny Hallyday de France, non? Un peu, non? Oui, hein, un peu, oui. Bon, Johnny, malheureusement, il est décédé. Tu sais, c'est un homme, une femme, c'est un fanatique des femmes. Hein. Ouais, fanatique des femmes. Ouais. Les femmes. Alors, plutôt, ah oui, c'est comme Julio. Voilà, voilà. C'est comme Julio Rulio. Voilà, cherchez le nom Rulio Iglesias. Voilà, ou alors l'autre là. Dans les années 80, voilà, Rulio. Voilà. Ou Frédéric François. Cherchez le nom. Anthony Carrera, c'est le Rulio. Voilà. D'accord. C'est comme la Porsche. La Porsche Carrera, c'est, ouais, c'est un peu pareil. Comme la, voilà. La Porsche, les minettes, ça marche. C'est ça, dès qu'on a une Porsche, de toute façon, les gonzesses, c'est tombé. Moi, c'est trop petit, c'est trop bas. C'est pas confortable. Moi, j'aime pas, moi, je suis pas fan de Porsche. C'est un Cayenne. C'est ma taille. Moi, un petit Cayenne, ouais. Bah, il aime quoi comme bagnole, monsieur Carrera, j'allais dire. Ah, je crois qu'il a ça, hein. Il a une Porsche. Ah ouais. Il a des belles voitures et tout ça, hein. Ah, d'accord, c'est bien. Ça fait des années qu'il chanteur, il est. Ah oui, bah, ça fait 40 ans qu'il chante, le mec. Attends, c'est comme tu dis, c'est Rulio Iglesias de, en France, voilà, c'est ça. Non, en Portugal. Ouais, je le veux déjà deux fois. J'étais à Paris, je le veux là-bas, Ponte Combo. Ouais. Et bon, mais il est bien, mais il y a bien du monde, dis donc, ça a été obligé de le flic et l'amener parce qu'il. Ah ouais, il faut le protéger. Ouais, ouais, c'est comme Johnny, quoi. Tu sais, quand Johnny faisait les concerts à l'époque, pour les fans, tac. Et Rulio. Il y a son fils aussi qui est dans la chanson de Tony Carrera. Il y a les deux. Il y a un qui chante. Le téléphone, décidément, ce matin. Je sais pas qui c'est qui a remis la sonnerie. J'aimerais qu'on fasse une réunion à la radio et qu'on dise, mais qui a remis cette sonnerie au téléphone? Il y en a un qui bide. Allô, qui va là, je te prie, bonjour. Allô? Bon dia! Allô? Allô? Oh! Les gens nous appellent. Il y a des gens qui nous appellent. Et... Ah, bah, si on pouvait arrêter de nous mettre la sonnerie, ça serait sympatoche, parce qu'il y en a un, en fait, il y en a un qui bidouille à la radio, le téléphone. Il l'avait pas, elle était pas. Non, mais il y en a un qui bidouille. Allô? Qui va là, je te prie? Bonjour, bon dia. Bon dia, Francky, comment ça va? C'est monsieur Farlia? Bah oui! Bah, tout de même! T'as tout de même! Comment tu vas, monsieur Farlia? Bon, je suis en vacances ce soir, tu vois. Ah, t'es en vacances ce soir? Eh ben, profite, mon ami. T'es au boulot, là? Oui. Ouais, oui, il faut. Bah oui, s'il est en vacances ce soir, il est au boulot, là. Pas forcément, il peut avoir des RTT, hein. Arrête de me reprendre. Je pense qu'il va aller à neige, là. Tu vas non, il va pas à la neige. Si, tu vas à la neige. Oui. Dimanche. Ah, dimanche, il part à la neige. Bah voilà. Et moi, je savais pas, hein. Il y en a qui ont de l'argent, hein. Il verra pas Tony Carrera, alors, du coup. Ouais, tu vas pas le voir, Tony Carrera? Non, j'ai pas le moyen. il va à Superbès et il va pas rentrer du carrière. Excusez-nous, monsieur Ferrer. Bon, ben, c'est bien, mon ami. Belle forme ce matin, alors. Le boulot, Juste à votre question, il n'y a pas un Porsche, il y en a trois. Il a pas une Porsche, il en a trois. Ah, bah, excuse-nous, on n'a pas les mêmes valeurs. On n'était pas à jour, hein. Ouais, bah, on a oublié les Porsche. Ouais, on va appeler Porsche tout à l'heure, on va voir. Bon, ben, c'est bien, mon ami. Donc, au boulot. Allez, Belle journée à toi, monsieur Ferrer, bonne journée. Et à samedi, hein. À samedi, mon ami. Bonne journée, bonne dia, tout au bain. Et tout au bain dans la piscine. Ah bah, il s'en fout, je parle. Il vous raccroche au nez, allez hop, c'est la fête là-dedans. Je voulais juste nous dire qu'on avait 3D. J'ai envie de dire un mot portugais, mais caray, fondos. Oh, qu'est-ce que ça, regardez, t'as été. Moi, je dirais rien. Ça, c'est pas le mot à dire. Non, mais c'est. L'antenne, maintenant. Oui, il faut que tu apprennes un peu aussi. J'apprends le bon dia et tout ça. On commence toujours par les gros mots, mais quand même. Un jour, je vais te faire des cours de portugais. Eh ben, avec plaisir, monsieur. Lorenzo, ça me fera vraiment plaisir. Dame oui, Stéphanie. Dame en beige. Oh, voilà, ça. Dame en beige, ouais, c'est joli. Tu veux une beige? Toi, déjà? Dame en beige, alors une beige. Tu veux Dame en beige. Une beige, oh. C'est pour le jardin, ça, les bêches. Beige. Ouais, beige. Voilà, c'est ça, pour le jardin, pour faire la. Le jardin, c'est une beige. C'est une beige, ouais, c'est une beige. Avec une beige. Tu me donnes une pelle. Tu me roules une pelle. Tu me roules une pelle. Et dis donc, les deux là. C'est comme ça qu'on dit. Je vais arriver à les foutre en couple, les deux, ça se trouve. Si tu viens pas donner en beige, tu me roules une pelle. Tu demandes un coup de pelle. Un coup de pelle. Et un coup de trouelle. Ça va, un coup de trouelle. Tu fais l'amour. L'amour. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Difficile. Non, mais le mur, l'amour, comment on dit? On fait l'amour. Mur. Monter un mur. Un mur, une pelle. Ouais, le mur. Et tu fais l'amour, c'est amour. Ah, on est amouré. Et donc, qu'est-ce que faisait l'amour conmigo? Non, pas contre moi. Bon, on va y aller parce que là, on va se déshabiller, on revient tout à l'heure. Voilà. Bon, je vais te laisser qu'il faut que je commence ma mission. Bah, bien sûr, viens, mon ami. Bah, viens parce qu'on a l'amour. Okay. Allez, allez. Faut envoyer les pubs. Eh ben, on envoie les pubs. Stéphanie Bier, la semaine prochaine. Merci. Avec plaisir. Merci. Ciao, ciao. Passez une belle journée sur Radio Arc-en-Ciel et monsieur Lorenzo qui arrive. Allez. Établissement Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé.